Avant de sortir à la suite de Gwynplaine, Ursus eut une précaution. Il prit à part Maître Nicless, le boy Govicum, Phoebe et Vinos, et leur prescrivit le plus absolu silence vis-à-vis de Dea, ignorante de tout. Ursus put, sans être remarqué, sourire Gwynplaine. Il pensa avec frisson. « Voilà qui tourne mal. J'aurais toujours su cela assez tôt. Qu'est-ce que je vais faire là, à suivre Gwynplaine ?» Cette réflexion faite, comme l'homme n'est que contradiction, il doubla le pas et, maîtrisant son anxiété, il se hâta, afin de se rapprocher de l'escouade et de ne pas se laisser se rompre dans le dédale des rues de Southwark, le fil entre Gwynplaine et lui, Ursus. Un homme, conduit au magistrat par les gens de police étant, après tout, un événement fort vulgaire, et chacun ayant ses affaires, les curieux s'étaient dispersés. Il était resté, sur la piste de Gwynplaine, Ursus. Le cortège serpenta, de ruelle en ruelle, et fit force zigzag. Enfin, il s'arrêta. On était dans une ruette exiguë. L'escouade se groupa devant un tout petit guichet. Le justicier Coron leva le marteau et frappa trois coups. Le judas s'ouvrit. Le justicier Coron dit « De par sa majesté !» La pesante porte de chêne et de fer tourna sur ses gonds et une ouverture livide et froide s'offrit, pareille à une bouche d'antre. Une voûte hideuse se prolongeait dans l'ombre. Ursus vit Gwynplaine disparaître là-dessous. Le Wapentake entra après Gwynplaine, puis le justicier Coron, puis toute l'escouade. Le guichet se referma. Ce guichet était la porte basse de la geôle de Southwark.